ce doigt, la petite dernière a les yeux de sa mère et le nez de son père, tout le monde est rassuré. Et c'est bien normal, ce sont les mécanismes de l'hérédité qui sont aujourd'hui bien connus selon la règle de la transmission aléatoire et indépendante des caractères des parents. Règle qu'a découverte le moine Gregor Mendel à la fin du 19e siècle en croisant des lignées de petits pois. Puis vinrent la découverte des gènes, de l'ADN. A priori, les mécaniques de l'hérédité étaient rodées et nous avions tout compris à la transmission des caractères du vivant. C'était sans compter sur l'influence de l'environnement qui fit petit à petit son chemin pour nous dire avec l'épigénétique que nous étions tout compte fait plus que la simple transcription de notre ADN. Hérédité, ce qui est à toi est à moi, c'est le programme génétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti un petit titre de derrière les fagots comme celui-là. Voilà, pour dérouler cette émission qui s'adresse, bien comme vous le savez maintenant, régulièrement le jeudi, autant à nos jeunes camarades auditrices et auditeurs qu'aux plus aguerris en quête de revoir ces notions historiques fondamentales de l'histoire des sciences. Et bien pour cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Morange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de biologie à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques rattaché à l'Université Paris 1. Et Giacomo Cavalli, bonjour. Bonjour Nicolas Martin, bonjour tout le monde. Vous êtes directeur de recherche CNRS de l'équipe chromatine et biologie cellulaire à l'Institut de génétique humaine de l'Université de Montpellier. Mais on commence par retracer l'évolution de l'actualité scientifique de ces dernières 24 heures avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, une étude parue dans Nature Communication qui décrit un nouveau microscope qui est capable d'observer le cerveau en profondeur et en toute sécurité. Et une équipe coréenne a créé les toutes premières images haute définition de réseaux de neurones de souris vivantes. Alors, obtenir un tel niveau de précision sur des tissus cérébraux in vivo et ce sans les endommager, c'est une première. Pour l'imagerie cérébrale, il existe la microscopie excitée à trois photons qui transforme les photons diffusés en une image. Quand la lumière, quand un laser traverse un objet, certains photons le traversent directement tandis que d'autres sont déviés et se dispersent. Les os, et en particulier ce très épais du crâne, diffusent la lumière de manière imprévisible. C'est ce qui rend l'observation du cerveau difficile, surtout lorsqu'on souhaite le faire en profondeur. Ces chercheurs ont donc inventé une nouvelle technologie d'imagerie. La microscopie... Allô ? Oui, allez-y, je vous en prie, Natacha. J'ai cru. Voilà, donc c'est ces chercheurs qui ont inventé une nouvelle technologie d'imagerie qui s'appelle la microscopie matricielle à réflexion laser. Ils ont amélioré la microscopie excitée à trois photons en la combinant avec des techniques liées à l'astronomie. Ils l'ont associée à la puissance de l'optique adaptative qui est utilisée dans l'astronomie au sol pour corriger les déformations optiques. C'est après un traitement d'image par algorithme de correction qu'ils ont obtenu ce niveau de définition. Selon les auteurs, cette méthode sera un outil précieux pour la recherche en neurosciences. Et on vous met cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale paru hier, l'année 2020 s'apprête à devenir l'une des trois années les plus chaudes de toutes. C'est au deuxième rang des années les plus chaudes, juste après 2016 et avant 2019. Depuis 2015, les six dernières années ont toutes battu des records de chaleur. Cette année, la température moyenne sur le globe a été supérieure d'environ 1,2 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. En Arctique, où le réchauffement climatique est exacerbé, les températures locales ont été de 5 degrés au-dessus de la moyenne. Ce rapport de l'OMM est provisoire, il sera confirmé en janvier, mais selon lui, il y a au moins une chance sur 5 pour que la température mondiale dépasse 1,5 degré d'ici 2024. On est donc loin des engagements pris lors des accords de Paris. Oui, les accords de Paris qui vont fêter au mois de décembre leurs 5 ans. On en parlera jeudi prochain avec la coprésidente du GIEC, la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Hier, le ministère de l'Agriculture a déclaré avoir identifié la source de contamination de grippe aviaire en France. France. Et à la mi-novembre, deux foyers de grippe aviaire ont été détectés, l'un en Corse et l'autre dans les Yvelines. Les enquêtes sont remontées jusqu'à un vendeur particulier établi dans le nord de la France. Le ministère a déclaré que la situation était sous contrôle. Dans un rayon de 10 km autour de ce vendeur d'oie, pas de détection de nouveaux cas, ni chez les animaleries livrées par ce particulier, et aucun autre élevage avicole n'a été touché. Et enfin, selon une prépublication sur le site BioArchive, pour mieux identifier les sources de migraines, des patients ont été suivis dans une IRM. Et peut-être allons-nous enfin comprendre ce qui cause la migraine, cette douleur casse-tête qui touche 15% de la population mondiale. Une équipe allemande a suivi 12 patients et leur ont fait passer des IRM sur des cycles de migraines allant de 7 à 21 jours avant, pendant et après les crises. Alors selon leurs résultats, l'activité conjointe entre l'hypothalamus et le système limbique serait la clé. L'hypothalamus agit comme une sorte de métronome de l'activité cérébrale, tandis que le système limbique, lui, régule les émotions et la douleur. Les crises de migraine sont peut-être dues à une perte de contrôle de l'hypothalamus sur le système limbique. Cette prépublication doit encore être validée. Si elle l'est, elle pourrait aider à développer de nouveaux traitements. Et on envoie toutes nos pensées aux patients qui ont subi une IRM en pleine crise de migraine. Ça n'a pas dû être facile. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Au départ, selon la théorie d'Hippocrate, la transmission des caractères parentaux se déroulait selon le mélange des sangs, c'est-à-dire la moitié du sang mâle ou femelle de la première génération, un quart à la deuxième, et ainsi de suite. Et puis, vint Darwin et sa théorie de l'évolution, toute radicale soit-elle, la sélection naturelle darwinienne ne formalise pas encore la transmission des caractères héréditaires. Il faut attendre pour cela 1865 et les expériences d'un moine autrichien de Moravie, Gregor Mendel, qui s'intéressa à des petits pois et à la façon dont certains de leur caractère passaient d'une génération à l'autre. C'est l'apparition de l'hérédité au sens contemporain du terme en tant que discipline, une discipline mère de toute la biologie. Selon le biologiste et historien des sciences Jean Rostand, nous sommes en 1947 sur la radiodiffusion française. La génétique ou science de l'hérédité est en effet introductive à toute discipline relevant de la biologie, puisqu'elle nous introduit dans le secret de la cellule, pour nous initier à l'existence et au fonctionnement de ces unités submicroscopiques, les gènes qui déterminent les caractères héréditaires des organismes et représentent en somme, dans l'étude des phénomènes de la vie, ce que représentent les atomes ou les électrons dans celle des phénomènes de la matière. En ce qui concerne la médecine, et sans même parler du groupe sans cesse élargi, des maladies et des tares qui se transmettent comme des caractères héréditaires, il n'est pas de question, pour ainsi dire, qu'ils se rattachent plus ou moins directement à la génétique. Au cours de ces 3 journées, vous entendrez parler de l'asthme, du cancer, des états thyroïdiens, de l'hypertension artérielle, du facteur rhésus, des virus, de la pénicilline. Or, il existe vraisemblablement des prédispositions héréditaires pour l'asthme, pour les états thyroïdiens, pour le cancer, pour l'hypertension artérielle. Le signe positif ou négatif du facteur rhésus est conditionné par un gène. Les virus présentent de frappantes affinités avec les gènes et le pouvoir sécrétoire des diverses souches de pénicillium dépend de la race, c'est-à-dire de la constitution génétique. Voilà, Jean Rostand, 1947, une réaction à cette archive. Michel Morange, l'hérédité, discipline mère de toutes les disciplines de biologie. En tout cas, centrale, tout à fait, c'est vrai. Même si probablement on aurait beaucoup étonné Mendel si on lui avait dit qu'il avait fondé une discipline centrale de la biologie. Parce qu'il avait un projet beaucoup plus appliqué, lui, qui était tout simplement de comprendre comment des caractéristiques des plantes qui croisaient entre elles étaient transmises à la génération suivante. Mais oui, aujourd'hui, c'est vrai que la génétique est absolument centrale. La génétique héréditaire, en l'occurrence. Giacomo Cavalli, votre réaction ? Ah, c'est sans doute une discipline centrale, même si la définition même des disciplines, en réalité, nous voyons qu'il y a une fusion aujourd'hui entre disciplines et que toutes les disciplines, en réalité, s'entraident et il faut avoir une vision un peu holistique des choses, un peu plus générale où différentes disciplines, en fait, convergent pour aider à résoudre les problèmes. Mais c'était sans doute des grands moments au début du XXe siècle, quand les premiers généticiens, après Mendel, ils ont redécouvert Mendel et compris que certains caractères pouvaient être transmis par des unités, les atomes dont on parlait, les atomes de la biologie, qui pourraient être les gènes. Alors, on va reparler bien sûr de cette expérience de Mendel dans un instant. Ce qui est fascinant, c'est que si on prend la génétique héréditaire à proprement parler au sein de la génétique en règle générale, aujourd'hui encore et depuis le boom de l'épigénétique dans les années 2000, dont on reparlera dans la deuxième partie de l'émission, Giacomo Cavalli, on ne peut pas dire aujourd'hui encore que ce soit une discipline dont on est complètement fait le tour. Il reste encore beaucoup de points d'interrogation. En fait, il reste énormément de points d'interrogation parce que, au fil de l'évolution des connaissances, on voit de plus en plus que le concept même de gène, donc ce fameux atome, il n'est pas aussi clairement défini qu'il ne pourrait l'être l'atome en physique. En réalité, un gène, on peut penser aujourd'hui au gène, après toute l'évolution des définitions de gènes qui a eu lieu, comme une unité de fonction. Donc une fonction, un gène, on pourrait dire, mais plusieurs choses contribuent à la fonction. La séquence de l'ADN, une protéine qui serait codée par cet ADN, mais aussi toute une série de régulateurs du gène, d'expression de gènes. Donc voilà pourquoi on a aussi énormément de points de question qui restent ouverts. Et puis également à titre un peu d'aperçu de préfiguration de ce que sera notre deuxième partie, Michel Morange, autour de l'épigénétique, depuis qu'on sait que eh bien nous ne pouvons pas nous limiter ou en tout cas notre phénotype ne se limite pas juste à ce qui est écrit dans notre ADN, mais qu'il y a des facteurs environnementaux qui interviennent. Là aussi, sur ces facteurs environnementaux, sur leur transmissibilité, il reste beaucoup de points d'interrogation. Tout à fait. Il reste à la fois sur la nature de ces facteurs environnementaux, sur le fait qu'ils agissent donc sur le génome et qu'ils peuvent le modifier, sur la stabilité des modifications qu'ils peuvent introduire sur les gènes et donc sur la stabilité héréditaire des modifications qu'ils ont induites. Il reste encore beaucoup, beaucoup de questions qui, justement, sont au centre des recherches actuelles. Et ces questions, on les évoquera dans la deuxième partie de l'émission, plus centrée autour de l'épigénétique, mais on va revenir sur les débuts de cette discipline, de l'hérédité, sur l'expérience des Mendel et surtout ce qui va en découler. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, nous parlons donc de l'hérédité aujourd'hui en compagnie de Michel Morange et de Giacomo Cavalli. Alors avant Mendel, comment est-ce qu'on comprend l'hérédité, Michel Morange? On la comprend comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on la voit un peu comme la transmission par les parents de caractéristiques, en quelque sorte une émanation des organismes du père et de la mère et qui vont vers l'enfant. Donc un processus de mélange qui se produit dans les descendants. Ce que va faire Mendel, c'est qu'il apporte une chose qui est absolument centrale. Je crois si on voulait résumer l'apport central de Mendel, c'est qu'il va essayer de sortir des lois. C'est-à-dire là où on avait des observations de ressemblance, Mendel va essayer de trouver des lois précises de transmission de certains caractères, quantifier cette transmission. Et pour cela, il va identifier des caractères précis et regarder les fréquences de transmission à la descendance. Alors, par exemple, vous l'avez mentionné, il travaille sur les pois. Il va regarder la forme des feuilles ou la longueur des tiges. Il va séparer des tiges courtes des tiges longues, et puis il va regarder dans les descendants quelle est la fréquence des tiges longues, des tiges courtes dans la descendance de ces croisements de plantes différentes. On va arriver à cette expérience de Mendel. J'aimerais juste peut-être entendre Giacomo Cavalli là-dessus sur ce qu'on appelait ou ce que je décrivais dans l'introduction de cette émission, le mélange des sangs. Est-ce que c'est vrai que c'est une conception qui nous vient en droite ligne d'Hippocrate? Comment est-ce qu'on comprenait finalement cette transmission des caractères d'une génération sur l'autre, Giacomo Cavalli? Oui, en fait, c'est un peu comme le disait Michel. On avait l'intuition d'une certaine transmission, d'une similitude, Et donc, on se disait d'où ça peut venir. Et bon, le sang, c'est quelque chose d'un peu intuitif. Je pense que si on se met un petit peu à la place des médecins ou des scientifiques de l'époque, il a fallu un vrai saut quantique, hein, comme on pourrait dire, pour Mendel, pour conceptualiser, pour dire, ben, finalement, peut-être que avec une méthode analytique, on peut tenter de faire abstraction de la matière, de comprendre déjà comment des caractères sont transmis, et on va ensuite s'occuper de comprendre, et d'ailleurs, ça a été le travail du siècle XXe, de comprendre quels sont les substrats, quel est la molécule qui transmet l'hérédité. Alors, on va voir effectivement comment Mendel a appliqué une méthode statistique finalement pour à cette question de la descendance et de la transmission des caractères. Un mot avant d'arriver à Mendel aussi sur un autre grand nom et une grande révolution de la biologie et de la compréhension des sciences naturelles de la fin du 19e, c'est Darwin, puisque Darwin met un pied dans l'évolution et donc d'une certaine manière, de façon indirecte, dans l'hérédité, mais sans réussir exactement à comprendre ce qui est à l'œuvre, Michel Morange. Oui, c'est intéressant puisque Darwin va lui-même proposer d'ailleurs un modèle d'hérédité, mais qui ne sera pas original comme celui que Mendel va proposer. Darwin va reprendre le fameux modèle d'Hippocrate qui vient de l'Antiquité, et il se fera d'ailleurs très critiquer par beaucoup de biologistes pour son absence d'originalité, et même parce que expérimentalement, on pourra montrer que son modèle ne peut pas fonctionner. Donc c'est assez intéressant de voir le contraste entre Mendel et Darwin. Darwin sent qu'il a besoin de l'hérédité pour sa théorie de l'évolution, mais finalement, il ne fait pas preuve d'originalité là où Mendel va faire preuve d'une très grande originalité. Giacomo Cavalli sur Darwin ? Ben, disons que c'est quelque part amusant aujourd'hui de voir comme ces deux la grande théorie de Darwin et puis les lois de Mendel auraient pu trouver une synthèse déjà à l'époque. On aurait pu gagner peut-être 50 ans d'histoire facilement, mais il ne s'est pas produit. En fait, bon, les travaux de Mendel, bien que Mendel ait essayé de les rendre très connus rapidement, sont restés un peu dans l'anonymat, et donc la réflexion a été ralentie. Mais bon, c'est aujourd'hui on a finalement compris les liens, et donc c'était un peu une belle histoire. Oui, parce que l'origine des espèces de Darwin, c'est 58, Mendel, c'est 65, donc les deux sont tout à fait contemporains. Venons-en à ce Gregor Mendel, on l'a dit, hein, c'est un moine autrichien de Moravie. Qui est-il exactement et pourquoi est-ce qu'il commence à s'intéresser justement à cette transmission des caractères chez les végétaux, Michel Morange? Alors c'est un moine, mais il faut faire attention parce qu'on a l'impression d'un pauvre moine isolé dans son monastère. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'était un monastère dont la fonction principale était l'enseignement et même on pourrait dire la recherche. L'abbé du monastère, donc quand Mendel y entre, avait lui-même établi un jardin botanique pour développer les recherches sur les plantes dans le monastère. Donc le cadre était tout à fait favorable. La Moravie, la région où était Brno, était une région très développée du point de vue de la recherche agricole, parce que c'était une région qui nourrissait Vienne, la capitale de l'Empire autrichien. Donc toutes les conditions étaient favorables à une certaine recherche agronomique importante, et l'ordre donc dans lequel était Mendel était un ordre religieux tourné vers l'enseignement et la recherche. Donc, les conditions étaient favorables. Comme disait François Jacob, au fond, Mendel avait trouvé un bon maître, comme moi-même j'ai trouvé un bon maître quand je suis rentré à l'Institut Pasteur. Donc, des conditions favorables à la recherche. En même temps, d'ailleurs, Mendel avait reçu une très bonne formation, et une formation qui a été très importante pour lui. Il avait été à l'Université de Vienne suivre des cours, et en particulier des cours de physique. Où il avait découvert les principes de la statistique, de l'analyse statistique. Donc il était bien formé d'une certaine manière, et il va appliquer, si on peut dire, les principes qu'il a acquis, mais donc à partir des sciences physiques, il va les appliquer à justement au problème de transmission des caractères au cours des générations, à l'hérédité, C'est un excellent exemple, finalement, de transdisciplinarité, Mendel. Oui, on va voir à quel point ces outils d'analyse statistique sont absolument essentiels à ces travaux, justement, sur les petits pois. Quel est le point de départ, justement, de cette curiosité sur la transmission des caractères? Pourquoi les petits pois? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui aboutit à ce cadre expérimental, Michel Morange? Ben, c'était un problème très pratique. C'est que, à l'époque, on cherchait à améliorer donc les produits agricoles. Et ce qu'on cherchait, c'est souvent à réunir au sein d'un même végétal ou d'un même animal des caractéristiques qui étaient trouvées dans deux végétaux de sous-espèces différentes de, par exemple, la même plante. Avoir un végétal qui soit à la fois grand, qui ait une couleur agréable, etc. Le problème, c'est que quand on faisait ça, ça ne marchait pas, c'est-à-dire ça se mélangeait peut-être à la première génération et puis après on perdait les caractéristiques. Donc le problème posé était de voir comment les caractéristiques sont transmises au cours des générations de manière à ce qu'on puisse essayer de stabiliser le processus. Donc ça, c'était la grande question des gens qui cherchaient à améliorer aussi bien les animaux que les végétaux. C'est cette question que Mendel a pris à bras-le-corps. Mais son mérite a été de dire, d'abord, il faut bien définir les caractéristiques. Et là, il y a tout un travail qui n'apparaît, qu'on ne mentionne pas toujours quand on décrit Mendel, mais il a travaillé au départ sur 30 caractères, et il n'en a sélectionné que 7. 7 parce qu'ils étaient stables, bien définis, donc faciles à repérer. Et puis ensuite, il a travaillé sur un très grand nombre de croisements, parce que seuls, finalement, les statistiques et donc deux grands chiffres permettraient de trouver ces lois de transmission. Sept caractères dont il faut préciser qu'ils sont intéressants parce qu'il existe pour chacun de ces caractères deux versions possibles, ce qui va nous permettre de commencer à rentrer, Giacomo Cavalli, dans cette analyse statistique. Quelle est la démarche expérimentale précise de Mendel? Et en fait, disons que les expériences qui sont connues, ce sont des expériences qu'on pourrait dire, c'est des travaux à grande échelle. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup des travaux à grande échelle, quand on parle des génomes, ben, lui, il l'a fait de façon un peu artisanale. Il a sélectionné justement un certain nombre de caractères. Bon, ce qui sont connus beaucoup par tout le monde, c'est la couleur des petits pois ou la texture. On peut les citer si vous le souhaitez. Hein. Les sept caractères, c'est la forme de la graine, donc ronde ou irrégulière, la couleur de l'albumène, qui est jaune pâle ou vert intense, la couleur extérieure de la graine, la forme de la cosse à maturité, la couleur de la cosse avant maturité, la position des fleurs et la longueur de la tige. Voilà, comme ça c'est fait. Je vous laisse continuer. Ouais, et donc typiquement, ces caractères ont un peu la caractéristique d'avoir des traits. Par exemple, la couleur peut être jaune ou verte. La texture, ça peut être lisse ou rugueux. Donc, c'est typiquement il y a une dichotomie et c'est assez facile à distinguer. Donc, on peut vraiment, quand on fait des croisements et qu'on regarde la génération suivante, se rendre compte si on a le caractère A ou B ou s'il y aurait peut-être un troisième. Une troisième apparence qui serait différente des deux. Et donc, en fait, la première chose qu'il observait, par exemple, c'est que si on prenait pour ces sept caractères des croisements entre, par exemple, jaune et vert, on obtenait que toute la progéniture avait la même couleur, la même chose pour la texture. Et donc, les hybrides, qu'ils appelaient la première génération, étaient tous identiques. Et là, en fait, donc ça, c'était la première loi de Mendel. Là, Mendel, il a compris que peut-être chacun de ces caractères était porté par une unité. Mmh. Et cette unité est ce qu'on appelle aujourd'hui le gène. C'est ce qu'il appelait la loi d'uniformité des caractères à la première génération. Voilà, tout à fait. Et ensuite, il a continué à croiser. Donc, la première génération a été croisée pour obtenir une deuxième génération. Et là, on s'aperçoit que pour ces caractères, on voit que on trouve typiquement une disjonction, c'est-à-dire que on retrouve à peu près un quart des individus qui ont le caractère grand-parental. Donc, ce serait la F2, la deuxième génération. Un quart aurait la couleur d'un des deux parents, la F0. Et les 75% restants ont l'autre couleur. Et donc, finalement, ça veut dire que cette unité d'hérédité, elle ne s'exprimait pas dans la, dans l'hybride, peut-être, celle qui avait disparu. Dans la génération 1. Elle restait en tant qu'unité physique. Et donc, ça transmettait. Et si on s'imagine que donc, il y aurait une unité, mais qui peut avoir deux formes, on peut écrire un peu comment ça pourrait ségréger par hasard, et en fait, on obtient exactement ces chiffres. On va vous mettre le tableau des petits pois qui va vous permettre peut-être de visualiser un peu justement cette expérience de Mendel sur notre fil Twitter @laméthodefc. Donc, comme vient de le dire Giacomo Cavalli, première loi, c'est effectivement cette loi d'uniformité des caractères à la première génération, c'est-à-dire que quand on croise deux petits pois, eh bien toute la première génération a les caractères de l'un ou de l'autre, et puis quand on passe aux générations suivantes, on arrive à la deuxième loi, qui est la loi de ségrégation. Vous vouliez préciser peut-être quelque chose ou poursuivre jusqu'à la troisième loi de Mendel, Michel Morange? Ben, la troisième loi, c'est la loi d'indépendance des caractères, c'est-à-dire que si on croise, par exemple, si on regarde deux caractères différents, la longueur de la tige et la couleur, par exemple, on va voir que la transmission de ces deux caractères est absolument indépendante l'une de l'autre. Alors, cette troisième loi, d'ailleurs, elle est tout à fait intéressante parce que elle n'est que relative, c'est aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas vraie quand ce que nous appelons aujourd'hui les gènes sont portés par les mêmes chromosomes. Elle n'est vraie que s'ils sont portés par des chromosomes différents. Or, Mendel avait gardé 7 caractères et il y a 7 chromosomes dans le petit pois. Il a beaucoup de chance d'une certaine manière. C'est ça, il a eu la chance de sélectionner des caractères qui étaient exprimés chacun sur un chromosome différent. Peut-être qu'on peut faire une sorte de conclusion, en tout cas d'arriver, de voir à la fois ce que sont les conclusions de Mendel, ce qu'il pose dans ses travaux donc publiés en 1865, et puis aussi quelles en sont, vous l'avez dit, vous venez d'en citer une, Michel Morange, les limites, ou en l'occurrence là c'était un coup de chance, mais il y a effectivement aussi des limites dans le modèle qu'il a choisi, qui vont être du coup érigés comme limite du modèle général ou universel qu'il souhaite établir, Michel Morange. Oui, alors la principale limite, c'est que Mendel n'a pas vraiment d'interprétation. Il n'a pas encore la notion de gène. Ça, il faut surtout pas avoir un jugement rétrospectif, c'est-à-dire il a deviné qu'il y avait des gènes. En fait, il a des lois. Il cherche à les interpréter, mais il n'a pas encore la notion de gène que nous pouvons avoir, c'est-à-dire il y a quelque chose chez le père, quelque chose chez la mère, et puis il va y avoir ensuite donc chez le descendant. Il ne l'a pas, et ça on peut le voir, parce que quand il écrit par exemple hybride, nous écririons l'hybride avec deux lettres, l'hybride il l'écrit avec une seule lettre. Donc il ne regarde que les caractéristiques de l'hybride. Il n'a pas l'idée qu'il y a une sorte de substratum dans l'hybride. Ça peut nous paraître curieux, mais bon, c'est très compréhensible. Il n'a pas de mécanisme encore. Donc il observe, mais il n'arrive pas à, en quelque sorte, avoir l'idée conceptualisée ce qui se passe. Et ça va demander ben, justement pas mal de temps, d'années, jusqu'au début du XXe siècle pour qu'on commence à avoir l'idée de quelque chose qui est transmis et qui détermine les caractères. Peut-être un mot, effectivement, c'est peut-être important de le repréciser, Giacomo Cavalli, et puis vous pourrez nous redire aussi à votre façon ce que sont ces conclusions et les limites de l'expérience de Mendel, mais c'est que Mendel n'a aucun ou très très peu de connaissances de ce qui va devenir au XXe siècle la biologie cellulaire, les mécanismes. Encore une fois, on sait à peine ce qu'il y est ou ce qu'est une cellule encore en 1865. Oui, tout à fait. Là, ça c'est sans doute une des grandes limites, même si je dois dire que, encore une fois, ça rend ses travaux encore plus brillants quelque part, hein, parce que sans pouvoir s'appuyer, sans pouvoir imaginer que peut-être les chromosomes auraient pu être porteurs des caractères et tout ça, il a quand même su imaginer qu'il y avait des unités fondamentales de transmission. Après, bon, sur le, donc là, on a un peu dit superficiellement, il y avait une trentaine de caractères qui étaient considérés, mais en fait, 7 ont été discutés en profondeur. Bon, Il y a eu pas mal de critiques là-dessus, des gens qui ont dit qu'en fait, il a un peu embelli les résultats, il a choisi les caractères qui lui convenaient. Parce qu'en fait, d'autres caractères ne suivent pas ces lois. Il n'y a pas un seul gène qui détermine le caractère, numéro un. Et puis numéro deux, sur la disjonction, justement, c'est... Ah, on commence à avoir des problèmes de liaison avec vous. Avec eux-mêmes qui vont se suivre, ils vont s'égréger ensemble. Ah. Mais encore une fois, là encore, je dirais que c'est plus presque un mérite qu'un défaut, parce que malgré les exceptions, il a quand même eu l'intuition que ces lois étaient des lois fondamentales et universelles. Mmh. Et donc c'est vraiment un grand mérite à lui, pour lui. On va voir comment ces travaux de Mendel vont essaimer tout au long de la première partie du XXe siècle et aboutir en 1953 à la découverte de la structure de l'ADN. C'est un travail collectif, progressif, et puis on va voir surtout comment dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va découvrir une sorte de chausse-trappe, de deuxième fond à ces questions d'hérédité avec l'épigénétique. Nyctalope de Bandi Bandi à 16h33 sur France Culture, toujours et comme chaque jour depuis le début de ce deuxième confinement en soutien à la scène musicale indépendante française et à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons d'hérédité dans cette émission tout au long de cette heure en compagnie de Michel Morange qui est professeur émérite de biologie à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques rattaché à l'Université Paris 1 et Giacomo Cavalli qui est directeur de recherche CNRS de l'équipe chromatine et biologie cellulaire à l'Institut de génétique humaine de l'Université de Montpellier. Donc, on l'a dit, hein, 1865-66 pour cette expérience de Mendel. Ces travaux vont rester effectivement assez confidentiels jusqu'au tout début du XXe siècle. Quelle est leur postérité, Michel Morange? Alors, comme Giacomo le disait, au début du XXe siècle, on va redécouvrir les lois de Mendel. Entre-temps, il y a eu toute une réflexion, il y a eu une réflexion théorique sur comment imaginer des mécanismes qui permettaient la transmission de, justement, d'informations, si on peut dire, en prenant un terme moderne, de génération en génération. Et puis, il y a eu les observations sur les chromosomes en particulier. Donc, au début du XXe siècle, on redécouvre les lois de Mendel. Très vite, on va positionner les gènes sur les chromosomes. Mmh. Et puis, petit à petit, on va progresser vers la connaissance des chromosomes et pour aller très vite, on va déboucher sur la caractérisation du gène comme une molécule d'ADN avec cette fameuse structure en double hélice de l'ADN en 1953, d'après des clichés faits par Rosalind Franklin et l'interprétation que Jim Watson et Francis Crick vont en faire. Est-ce qu'il leur vaudra le prix Nobel alors que Rosalind Franklin, elle, ne sera pas récompensée? Peut-être un mot, parce qu'effectivement, comme je le disais en début d'émission, on va passer un peu vite, mais c'est tout de même peut-être intéressant de s'arrêter quelques instants sur ces différentes étapes, Giacomo Cavalli, puisque petit à petit, donc il y a De Vries qui va récupérer ses travaux de Mendel, qui va inférer, qui va commencer à penser la notion de mutation, et puis on va aboutir en 1907 justement à l'idée de gènes et de chromosomes, et pour finir par poser en 1915 avec Morgan la notion d'hérédité. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu la filiation qu'il y a entre Mendel et au bout de la ligne Morgan en quelques mots? Oui, alors disons filiation, je ne sais pas si je dirais filiation, disons qu'il y a eu plutôt des travaux un peu indépendants où William Roux qui les a commencés a commencé à avoir l'intuition que les chromosomes pouvaient être importants pour transférer l'hérédité aux cellules filles à partir des cellules mères. Et en fait, ça venait des observations plutôt de microscopie et ce n'était pas vraiment le travail de Mendel. Ensuite, Hugo de Vries a formulé une théorie pour laquelle des unités héréditaires et persistantes seraient passées au travers des générations, et ces unités pourraient être combinées de différentes façons pour générer la progéniture. Ensuite, à partir du début du XXe siècle, on a commencé à s'intéresser aussi aux anomalies, aux choses qui étaient un peu différentes des lois de Mendel, par exemple des traits qui n'avait pas de disjonction, qui ne ségrégeait pas de manière indépendante. Et c'est là qu'on a commencé à penser que peut-être les chromosomes pouvaient porter plusieurs caractères, et donc les caractères qui étaient portés par le même chromosome, eh bien, ils ségrégaient ensemble. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas indépendants. Et ceci a amené un peu aux travaux de toute une école en Californie, au Caltech notamment, avec Morgan, Starthevant et tous les généticiens de l'époque. Peut-être un mot pour dire qu'effectivement la boucle est bouclée en quelque sorte en 53 avec Rosalind Franklin, mais que petit à petit, je pense que ça méritera effectivement une émission entière sur la découverte de l'ADN à proprement parler, la façon dont on a compris comment il fonctionnait. Mais comment j'aimerais vous entendre peut-être, Michel Morange, sur le moment où on comprend finalement ce qu'est, avec Wilhelm Jonassohn certainement, le génotype, c'est-à-dire que d'un seul coup on comprend le lien qu'il y a entre justement l'intégralité de ce qu'on pense être, ce qu'on appelle des gènes sans bien savoir encore exactement à quoi ça correspond, et un phénotype, c'est-à-dire leur expression dans la physionomie de l'individu. Oui, c'est une distinction absolument fondamentale, c'est-à-dire le phénotype, c'est ce qu'on observe, c'est le caractère, mais il y a quelque chose qui est transmis qui n'est pas le phénotype. Il faut distinguer, il faut essayer de concevoir une relation entre les deux. Et ça va rester pendant Johansen, c'est le début du XXe siècle, pendant, on pourrait dire, plus de 40 ans, ça va rester la grande question. Quel est le lien, quelle est la relation entre les deux choses? Et c'est pour la double hélice va d'une certaine manière, d'ADN, la structure, va d'une certaine manière donner la solution, pas directement mais presque. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une relation, un code, dans les molécules d'acide nucléique, dans les gènes, il y a l'information qu'il faut pour fabriquer des produits qui, eux, vont participer à la création des caractères. Ce qui nous amène, alors encore une fois, on passe un peu cette étape à marche forcée, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive après Franklin notamment à la moitié du XXe siècle, et où, comme je le précisais dans l'introduction de cette émission, on a un peu l'impression qu'en matière d'hérédité, la messe est dite, c'est-à-dire qu'on a sur les mécanismes héréditaires, d'une part, eh bien le génotype qui est porté par des gènes et par l'ADN, et puis il est traduit en phénotype et ça se transmet par combinaison aux générations descendantes. Tout ça a l'air d'être extrêmement rodé, mais tout de même, il reste quand même des endroits où ça ne fonctionne pas tout à fait, où on se doute qu'il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, on appelle ça l'hérédité manquante, Giacomo Cavalli. Oui, disons que on peut dire que dans la deuxième moitié du XXe siècle, au début, en réalité, l'ADN a été vraiment la loi. À partir des années 60, d'ailleurs, on a commencé à parler de l'ADN comme du livre de la vie. On arrivait à des extrêmes. Et en fait, il y a une très belle expérience après la détermination de la double hélice, de la structure de la double hélice, qu'on a montré, et c'était Messer sur l'Estol, que la double hélice était répliquée, il y avait une transmission semi-conservative, donc chaque brin de la double hélice donnait lieu à une hélice fille, et donc vraiment on pouvait transmettre chaque nucléotide aux cellules filles. Mmh. Et là, vraiment, on s'est dit, ben, en fait, tout est là-dedans, l'information de la vie est dans l'ADN. La biologie moléculaire des années 60-70, à montrer vraiment comment, à partir de cette double hélice de l'ADN, on produit d'abord des ARN messagers, et ensuite ces ARN sont traduits pour former les protéines qui constituent la grande partie de notre corps et qui catalysent aussi les réactions chimiques de notre corps, qui produisent l'énergie notamment. Et donc là, c'était vraiment, on doutait pas de grand chose en réalité, on était presque sûr. Et il y avait juste une petite partie de la communauté scientifique qui a imaginé que au-delà quand même de cette séquence, il pouvait y avoir d'autres fonctions cellulaires qui pouvaient permettre de transmettre une espèce de mémoire. On voyait que les cellules avaient différents types cellulaires. On a montré que chaque cellule avait le même ADN, et ça donnait lieu d'ailleurs en 2012 à un prix Nobel. Mais c'était des études de clonage assez anciennes des années 60, et on se disait que peut-être une partie de cette mémoire cellulaire, de cette capacité des différentes cellules qui ont le même ADN d'avoir différentes fonctions, eh bien dépendait peut-être pas de la séquence d'ADN, mais quelque chose d'autre. Mais c'était vraiment une minorité de la communauté. Mmh. À quel moment justement commence à apparaître ce concept d'épigénétique, Giacomo Cavalli? Alors, communément, on dit que la naissance de l'épigénétique vient avec Conrad Waddington, et c'est en 1942. Mmh. En tout cas, dans les années 40, il a publié plusieurs articles, dans les années 50 aussi. Bien que Waddington, en fait, il connaissait pas vraiment l'ADN comme le vecteur de l'hérédité. À l'époque, on savait que c'était les chromosomes, mais on devait encore montrer la structure de l'ADN. Et Waddington, en réalité, il s'intéressait au développement. De comprendre comment, à partir d'une seule cellule, on va former d'abord un embryon et ensuite un organisme entier. Et donc, pour lui, le grand problème, c'était de comprendre comment, à partir d'un génome, qui est donc l'ensemble des chromosomes, de l'hérédité, on peut former la complexité du vivant, des organismes multicellulaires. Aujourd'hui, en fait, on appellerait l'épigénétique de Waddington la biologie de développement, par exemple. On aurait peut-être une terminologie différente. C'est ensuite, dans les années 60, qu'on a parlé plus de mémoire, de transmission de la destinée cellulaire aux cellules filles. Et à partir de la fin des années 70, on a identifié des mécanismes possibles. Le premier, c'était que l'ADN peut être modifié, notamment méthylé, et que cette méthylation peut être transmise aux cellules filles. Et donc là, on a commencé à dire, bien, peut-être qu'on a un mécanisme de transmission d'une altérité, d'une différence possible de l'ADN. Donc on aurait la même séquence, mais différents états fonctionnels qui seraient transmises. On va reparler de cette question de la méthylation et donc finalement de l'influence de l'environnement sur le génotype, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment que le génotype ne faisait qu'influencer le phénotype, mais on se rend compte que il peut y avoir des effets sur le phénotype qui inversent et que donc ces influences-là sont à double sens. Le début, en tout cas, si ça a été effectivement postulé en 1942, le véritable début de l'épigénétique, c'est vraiment la fin des années 90 et surtout les années 2000 où on commence à mettre au jour ces mécaniques et, non seulement les mécaniques de méthylation, mais le rôle central de ce qu'on appelle la chromatine. Et c'est en quête de cette fameuse chromatine que vous êtes parti pour le retour du reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, cette structure dynamique qu'est la chromatine joue un rôle dans la création de variations phénotypiques héritables. Et pour comprendre tout cela, je suis allé à la rencontre de Vincent Collot, qui est directeur de recherche CNRS et directeur de l'équipe dynamique des génomes et variations épigénétiques à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Vincent Collot nous explique tout d'abord le fonctionnement de cette chromatine et il nous dit également en quoi un processus de modification de la chromatine, qu'on appelle la méthylation, peut affecter les propriétés de cette chromatine et comment cela peut être transmis de génération en génération. Alors la chromatine, c'est en fait le substrat sur lequel on va retrouver l'ADN dans les cellules. C'est quoi la chromatine? C'est bien sûr de l'ADN, mais c'est plus que de l'ADN. C'est un ensemble d'ADN et de protéines. Pendant très longtemps, on a pensé que le rôle des protéines dans la chromatine, c'était finalement d'empaqueter l'ADN dans l'espace très réduit du noyau des cellules. Il faut savoir par exemple que chez l'homme, on a à peu près 1 mètre d'ADN et que l'on doit mettre dans un noyau dans chaque cellule qui fait à peu près 10 microns. Donc il y a ici un problème de topologie assez important. Comment mettre ce fameux mètre linéaire dans une structure qui fait que 10 microns de diamètre. Et nous intéressons à une modification particulière de cette chromatine qu'on appelle la méthylation. La méthylation qui vient se fixer sur l'une des 4 bases de la séquence de l'ADN, les cytosines précisément. Et on cherche à comprendre comment cette méthylation des cytosines dans la séquence de l'ADN peut affecter les propriétés de la chromatine dans le sens que je vous indiquais, c'est-à-dire favoriser, au contraire, défavoriser l'expression des gènes. Quel lien là on peut établir directement avec notre question, l'hérédité, la question de l'émission? Alors le lien, il n'est pas évident parce qu'en fait, on comprend surtout cette dynamique chromatinienne dans le cadre du développement des organismes. Et là, effectivement, ça fait sens d'imaginer que certains gènes ont besoin d'être exprimés dans certains types cellulaires, mais pas dans d'autres, ou à certains moments du développement, mais pas dans d'autres, ou en réponse à certaines influences environnementales et pas dans d'autres. Donc, cette dynamique chromatinienne en lien avec la régulation de l'expression des gènes, c'est quelque chose que l'on comprend très bien. Et la méthylation, d'ailleurs, de l'ADN peut jouer un rôle dans cette dynamique et dans cette régulation. Là où ça devient plus compliqué, c'est dans l'idée que finalement, peut-être certaines de ces modifications, en l'occurrence la méthylation de l'ADN, peut, dans certaines situations, être transmise très stablement au travers des générations. Et donc là, on quitte le cadre développemental pour s'intéresser effectivement à l'hérédité. Alors pour étudier ces mécanismes en lien avec la chromatine, vous avez besoin d'un modèle biologique et vous avez fait le choix du modèle végétal. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors ce choix, en fait, il est dicté par des observations qui semblent indiquer que les plantes ont une capacité sans doute supérieure aux animaux, en tout cas aux mammifères, une capacité supérieure à transmettre ces états chromatiniens au travers des générations. Donc cette fameuse épigénétique transgénérationnelle, c'est comme ça que qu'on l'a définie, est peut-être plus présente ou prégnante chez les plantes que chez les mammifères. Comment vous l'expliquez? Alors on a des explications mécanistiques. On sait que la méthylation de l'ADN chez les mammifères est effacée puis remise en place à chaque génération, à la fois dans la lignée germinale et aussi juste après formation du zygote, donc dans l'embryon, vraiment au premier stade de développement. Donc on a ces vagues d'effacement et de rétablissement de la méthylation de l'ADN qui sont beaucoup moins prononcées chez les plantes. Et alors, on peut sans doute trouver aussi une explication dans le fait que la méthylation de l'ADN semble jouer un rôle important dans la régulation de l'expression des gènes chez les mammifères et beaucoup moins chez les plantes, où elle est essentiellement là pour contrôler un type de séquence dans le génome qu'on appelle les éléments transposables, qui sont ces fameux éléments sauteurs que Barbara McClintock avait découvert chez le maïs, d'ailleurs, il y a maintenant près de 70 ans, ou un peu plus de 70 ans. Et il semble que la méthylation de l'ADN chez les plantes ait pour rôle principal ou fonction principale de contrôler ce type de séquence. Et du coup, il n'y a pas besoin de reprogrammer cette méthylation, puisque l'idée est plutôt de bloquer ce type de séquence pour éviter qu'elle saute partout de manière intempestive au travers du génome. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on a la chance, en tout cas chez les plantes, et dans la plante modèle que l'on utilise, qui s'appelle l'Arabette des Dames, ou Arabidopsis, son nom latin, on a la chance de posséder toute une panoplie de mutants qui ont été identifiés au travers de différents cribles génétiques. C'est comme ça que l'on décrit ces approches. Des mutants qui affectent très profondément la méthylation, justement, de ces fameuses séquences d'éléments transposables, d'éléments sauteurs du génome. Et donc, on peut finalement avoir des plantes qui ont très peu de méthylation et d'autres plantes qui ont une méthylation, on va dire, de type sauvage. Et simplement, après, par le jeu des croisements, on cherche à suivre ces différences de méthylation au travers des générations pour voir si, oui ou non, ces différences peuvent être transmises, justement, au travers des générations, indépendamment de toute autre manipulation. C'est-à-dire qu'on a utilisé une mutation au départ pour perdre la méthylation de l'ADN. Ensuite, on se débrouille, par des jeux de génétique, à éliminer cette mutation qui nous a permis d'atteindre le niveau de perte de méthylation qui nous intéressait. Et ensuite, on suit simplement au travers de croisements génétiques classiques, comme ceux que faisait Mendel d'ailleurs, si oui ou non, ces pertes de méthylation peuvent perdurer. Et le résultat, c'est oui, on a à l'échelle du génome des milliers de séquences qui peuvent, comme ça, tolérer d'abord une perte de méthylation. Il faut bien sûr que ce soit viable pour la plante, qui peuvent tolérer cette perte de méthylation et les transmettre, comme les caractères de Mendel, les petits pois lisses ou rugueux, sur de très très nombreuses générations. Alors ça, c'est un résultat. Est-ce que vous avez d'autres résultats un petit peu dont vous pourriez nous parler en lien avec cette question de l'hérédité ? Alors oui, ce qu'on a vu, c'est que d'abord, on a pu confirmer à l'échelle du génome cette hérédité particulière qui est véhiculée par la chromatine et non plus par la séquence de l'ADN. Et d'ailleurs, là, il faut peut-être que je fasse une incidente, c'est-à-dire qu'en génétique, on ne s'intéresse pas à la transmission de la séquence de l'ADN, on s'intéresse à la transmission des variations de séquences qui peuvent conduire à des variations de phénotypes, de traits, donc des variations héritables. Et donc, ce que nous pouvons démontrer, c'est que oui, on est capable de transmettre des variations, non seulement de séquences, mais aussi, et même indépendamment de toute variation de séquence, on est capable de transmettre des variations de chromatine, avec des conséquences sur les phénotypes. La taille des plantes, le moment où ces plantes vont fleurir, tout cela, on peut le faire sans toucher à la séquence de l'ADN, mais uniquement en touchant à l'état de la chromatine, cette fameuse méthylation des cytosines de l'ADN. Et ce que l'on cherche à comprendre maintenant, c'est quels sont les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces différences de comportement au travers des générations. Voilà le reportage du jour autour de cette chromatine et de l'épigénétique, des modifications épigénétiques de la structure de l'ADN. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Giacomo Cavalli ? Ce sont des études vraiment fascinantes et effectivement, le laboratoire de Vincent Collot et d'autres dans son domaine exploitent ce fait que les plantes ont vraiment une grande capacité de transmettre des variations épigénétiques. On s'interroge beaucoup sur. Il a évoqué rapidement le fait que ce serait moins prononcé chez les mammifères. Sur le pourquoi de ça, en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Une des théories, c'est que les plantes, étant sessiles, donc étant fixées au substrat, elles ne pourront pas échapper aux conditions environnementales, utilisent l'épigénétique pour quelque part. Pouvoir transmettre l'hérédité de ce qui s'est passé dans la génération précédente. Et donc, les plantes des futures générations sauraient s'adapter à des changements environnementaux, le cas échéant. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais l'effet est qu'effectivement, dans les espèces comme les mammifères qui ont quelque part un développement même embryonnaire très stéréotypé, la température est fixe, les apports nutritifs sont au maximum tamponnés, toujours les mêmes, effectivement effacent la plupart des informations épigénétiques sur la chromatine. Alors, on va revenir sur cette question-là. J'aimerais juste entendre Michel Morange en réaction au reportage. Je pense que c'est un aspect intéressant parce qu'effectivement, ça montre que génétique et épigénétique ont peut-être des rôles différents, particuliers. Ce qui caractérise l'épigénétique, c'est la diversité des rôles qu'elle peut avoir dans les différents organismes, alors que la génétique, c'est un peu ce qui est commun à tous les organismes vivants. Et ça, c'est un, je pense, c'est une dimension intéressante de ces deux approches du vivant. Et alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Giacomo Cavalli, c'est intéressant parce que moi, dans mes cours de biologie au lycée, on m'a appris que au moment de la méiose, eh bien, toutes les informations épigénétiques étaient peu ou prou effacées, qu'elles étaient même effacées deux fois. Alors, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, puisqu'on le voit même chez les animaux, qu'il puisse y avoir une transmission des caractères épigénétiques à la descendance et même parfois sur plusieurs générations? En fait, oui, il est vrai que bon, d'abord, cet effacement, il est très prononcé chez les mammifères, mais il l'est beaucoup moins dans l'énormité d'autres espèces. Hein. Donc, attention, parce que souvent, on est très anthropocentrique, oui, mais la nature est très variée. Mais même chez les mammifères, il y a un effacement, mais il faut compter que les modifications épigénétiques qui existent sur l'ADN, donc il y en a sur l'ADN, c'est cette méthylation des cytosines fameuse, on en a des centaines de millions. Donc c'est vraiment massif. Et de même, les modifications qui sont localisées sur les protéines qui condensent l'ADN, qui s'appellent histones, ben dans ce cas, on en a aussi des millions. Donc oui, il peut y avoir un effacement, mais même si on efface 90%, il reste encore une énormité des changements. Or, lorsque ces changements restent localisés sur des zones névralgiques, sur des zones importantes qui vont réguler des gènes, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur le phénotype et du coup, des conséquences importantes. Peut-être un mot de conclusion, Michel Morange, justement sur la suite. Aujourd'hui, les recherches en épigénétique, hein, elles sont très florissantes. Il y a beaucoup de recherches, notamment sur cette question de la transmission des caractères épigénétiques. On sait que les procédés de déméthylation sont encore mal connus. Quelles sont les branches qui vous paraissent aujourd'hui les plus importantes ou les plus intéressantes pour conclure ? Eh bien, je pense que d'ailleurs, il y a un aspect dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est que les petits ARN régulateurs dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui en biologie interviennent dans ces processus épigénétiques et dans les marques épigénétiques. Et ça, je pense que c'est aussi une dimension additionnelle de ces mécanismes épigénétiques qui s'est ajoutée à la méthylation de l'ADN, aux modifications de la chromatine, et qui va sans doute apporter aussi beaucoup de surprises dans les années qui viennent. Giacomo Cavalli, pour conclure, en quelques mots. Je pense que c'est un domaine vraiment en plein essor. Les faits marquants sont que toutes ces composantes épigénétiques, elles se prêtent à énormément d'applications, puisque souvent il s'agit de modifications qui sont réversibles. Mmh. Et on connaît aujourd'hui des composés, qui peut être aussi des médicaments qui peuvent révertir des phénomènes épigénétiques qui se passent mal dans certaines pathologies comme les cancers ou des maladies neurodéveloppementales ou neurodégénératives. Mmh. Donc il y a là un grand potentiel pour l'application et il faut aussi réfléchir à l'impact de l'environnement parce que l'environnement change ces marques épigénétiques et donc il faudra comprendre comment cela se passe et comment on peut éventuellement le soigner. Merci beaucoup à tous les deux, merci Michel Morange, merci Giacomo Cavalli d'être venu nous parler de ce copieux programme qui allait de Mendel à l'épigénétique. On aura l'occasion de refaire une émission complète sur l'épigénétique. On pourra parler justement de ce que vous évoquez, Giacomo Cavalli, les épimédicaments et la recherche de ces épimédicaments, qui est une recherche encore assez balbutiante, assez complexe, mais tout à fait passionnante. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Edouard Rubinstein à la technique. Demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, une table ronde comme une semaine sur deux. Nous parlerons entre autres des molécules du toucher, de l'origine des points chauds dans la croûte terrestre et de la loi de Benford appliquée à la toute récente élection américaine, mais de bien d'autres choses encore. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.